Il y a bien longtemps, et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. La petite sirène. Il était une fois un royaume situé au fond de l'océan. Ce royaume des ondes était si vaste qu'on en devinait à peine le fond, recouvert d'algues marines et de roches aux formes étranges et aux couleurs chatoyantes. Le roi des mers, souverain de ce royaume extraordinaire et mystérieux, habitait un immense palais, bâti sur un rocher et recouvert de 1000 coquillages aux reflets nacrés. Le roi des mers était veuf depuis bien longtemps, et c'était la reine mère qui veillait à l'éducation des filles du roi, les sirènes. Des 6 princesses, la plus jeune était la plus belle. Sa voix enchanteresse berçait le royaume de douces mélodies que le roi se plaisait à écouter le soir à la veillée. Les sirènes passaient leur journée à nager et à se faufiler entre les poissons peuplant le fond de l'océan. Pour les distraire, la reine mère leur contait 1000 histoires étonnantes sur les êtres humains et les animaux qui vivaient sur la terre ferme. La plus jeune des sirènes rêvait sans trop y croire à ces contes enchantés, peuplés de princes charmants, d'oiseaux exotiques et de trésors cachés. Tu es encore trop jeune pour aller nager en surface, disait la reine mère à sa petite fille. Le jour de tes 15 ans, tu seras autorisée à aller vérifier par toi-même que mes histoires sont vraies. La jolie petite sirène n'eut plus qu'une idée en tête, explorer le monde des créatures terrestres. Nuit et jour, elle scruta le bleu des océans, impatiente d'accéder à l'immensité des horizons dont sa grand-mère lui vantait si bien les beautés, colorées comme un magnifique livre d'images. Ah, si seulement j'avais 15 ans, soupirait-elle avec mélancolie. Enfin, il y eut une grande fête dans le royaume des profondeurs pour célébrer l'événement tant attendu, l'anniversaire de la petite sirène. Ses sœurs aînées l'escortèrent toute la journée à travers les flots limpides et majestueux. Pour rien au monde, il ne fallait qu'elle rate son entrée dans le monde d'en haut. Adieu, adieu et bonne chance, chantèrent en chœur les grandes sirènes à leur jeune sœur, désormais livrée à elle-même sur un rocher luisant à quelques lieues du rivage. Le soleil couchant accueillit la nouvelle venue, et lorsque la nuit tomba, le ciel s'emplit de milliers d'étoiles scintillantes. On vit alors poindre à l'horizon un magnifique trois-mâts glissant lentement vers le rivage pour y jeter l'ancre. La petite sirène s'approcha du navire, se hissa sur la coque et se posta près d'un hublot pour observer la fête qui se déroulait à bord. Elle vit d'abord un énorme gâteau couvert de bougies, allumé en l'honneur du prince qui, quelle coïncidence, fêtait son anniversaire, le même jour que la sirène. Un grand bal avait été organisé et toutes les invitées voulaient danser avec le prince, dont le charme et l'élégance étaient vantés à mille lieues à la ronde. À minuit, on tira un feu d'artifice sur le pont. Les fusées de toutes les couleurs retombèrent dans la nuit comme une pluie d'étoiles multicolores. Quel prodigieux spectacle pour la petite sirène, émerveillée par tant de splendeur. Une fois la fête finie, la sirène s'apprêta à rejoindre le royaume des mers. Mais un vent violent se mit à souffler sur les flots, entraînant avec lui le fier navire. Bientôt le vent se changea en ouragan, le bateau chavira et s'échoua avec fracas sur les rochers. En moins d'une minute, le navire sombra, et avec lui, le prince charmant. La petite sirène se réjouit d'abord à l'idée du naufrage, mais réalisa bien vite que le beau prince n'arriverait pas à survivre sous l'eau. Ce n'est pas tout de le ramener chez nous, encore faut-il qu'il soit vivant, se dit la petite sirène d'un air mutin. Nageant au secours du prince charmant, qui luttait désespérément contre les flots déchaînés, elle l'aida à se tirer de ce mauvais pas, en lui maintenant la tête hors de l'eau. Puis, se laissant porter par le courant, la nageuse intrépide pilota son protégé jusqu'à une île lointaine, à l'abri des tornades et des vents capricieux. La petite sirène abandonna sur le rivage le prince inanimé et bondit se cacher derrière un rocher, tandis qu'un groupe de jeunes filles s'approchait sur la plage. La plus blonde des demoiselles pencha son doux visage sur celui du prince, qui ne fut pas long à se réveiller. Le jeune homme, charmé d'entrevoir une si belle apparition, oublia tout de la sirène qui lui avait sauvé la vie. Le cœur gros, la petite sirène médita amèrement sur l'inconstance des êtres humains et plongea dans les flots pour rejoindre les siens au fond de l'océan. Pendant de nombreux mois, la petite sirène pleura son prince charmant. Pour le retrouver, il n'y avait qu'un seul moyen. Aller consulter la sorcière des mers. La redoutable sorcière habitait une grotte étrange, peuplée de monstres marins, tous plus terrifiants les uns que les autres. « Je sais ce que tu es venu chercher !» siffla la magicienne entre ses dents à la petite sirène toute intimidée. « Tu voudrais bien te débarrasser de ta queue qui t'encombre et posséder deux jambes pour que le prince charmant tombe amoureux de toi !» poursuivit la vieille femme d'une voix caverneuse. « Tiens, prends cette potion magique que j'ai préparée à ton intention. Tu la boiras demain matin avant l'aube et ton vœu sera exaucé !» Tout excitée à l'idée d'avoir deux jambes comme toutes les jeunes filles, la petite sirène savait également qu'en prenant l'apparence d'un être humain, elle aurait aussi, comme eux, une âme immortelle. En lui tendant la fiole de potion, la sorcière des mers ajouta une dernière condition. « Mes services ne sont jamais gratuits. En échange de ces jolies jambes, tu me feras cadeau de ta voix si mélodieuse !» exigea la magicienne, lassée d'avoir toujours parlé d'une voix éraillée. « Si c'est le prix à payer, » soupira la petite sirène, « je n'ai guère le choix. » La sorcière des mers prononça quelques paroles magiques, et en un clin d'œil, la petite sirène se retrouva transportée au-delà des océans, sur les marches du palais de marbre où habitait le prince charmant. Avant que les derniers rayons de lune n'aient complètement disparu, notre héroïne avala d'un trait le contenu de la fiole enchantée. Les écailles de sa queue disparurent, et dans un cri, la jeune fille se trouva plaquée au sol, où elle tomba endormie. En rentrant de la chasse, Le prince charmant fut surpris de trouver à sa porte une si belle jeune fille dont on lui avait jusqu'ici caché l'existence. La petite sirène avait perdu sa queue et sa fine silhouette resplendissait dans la clarté matinale. Le prince s'approcha sans bruit et chuchota à l'oreille de la belle endormie. « Comment t'appelles-tu ? Et d'où viens-tu, toi que je n'ai jamais vue ?» La petite sirène regarda son bien-aimé d'un air langoureux mais triste. Car la sorcière des mers, en lui volant sa belle voix, l'avait rendue muette. Le prince tendit la main à la belle et l'invita à le suivre à l'intérieur du palais. À chaque pas, la petite sirène trébuchait car elle n'avait jamais appris à monter un escalier. Mais, pour plaire au prince, elle supporta son mal en silence, arborant sur ses lèvres vermillons le plus joli des sourires. Au château, on lui donna de magnifiques atours et ses couvertes de riches soieries qu'elle parut à la cour. Tout le monde voulut lui parler. Qu'il était donc triste qu'elle ne puisse pas répondre. Maintenant, retourne la cassette. Le roi organisa une grande réception en l'honneur de la nouvelle invitée. De fraîches jeunes filles vinrent chanter une romance qui plut beaucoup au prince. Le jeune homme applaudit à tout rompre et embrassa sur la joue la plus jolie des chanteuses. La petite sirène en fut très peinée. Elle eut même beaucoup de mal à dissimuler son chagrin, sachant le sacrifice qu'elle avait fait pour être auprès du prince. Si seulement mon prince pouvait m'entendre chanter, à coup sûr, il serait subjugué, pensait-elle tristement. Elle prit alors son courage à deux mains et se mit à danser pour le prince et toute l'assemblée. Malheureusement, chaque pas lui faisait souffrir le martyre. Malgré tout l'amour qu'elle portait au prince, que n'aurait-elle donné pour retrouver ses sœurs et nager sans contrainte au beau milieu de l'océan ? La nuit suivante, alors que tous étaient endormis, la petite sirène entendit un chant familier, délicieusement empreint de nostalgie. Elle reconnut ses sœurs les sirènes, venues la consoler. « Nous avons autant de peine que toi, petite sœur !» chantèrent les sirènes en chœur. « Notre père est très malheureux depuis ton départ. Rentre donc avec nous au royaume des mers. Tu vois bien que ta place n'est pas ici, chez les humains. » Ces paroles ne firent qu'aviver la peine de la petite sirène, incapable de répondre à ses sœurs. Elle aurait tant voulu leur dire comme elle aimait le prince. Oh, Dieu des mers, comment faire pour leur expliquer que c'était la seule manière de gagner l'amour de mon prince et une âme immortelle comme les humains ? Se dit-elle en joignant les mains pour implorer le pardon de ses sœurs. Hélas, exaspérées par ce silence qu'elles prirent pour du mépris, les sœurs de la petite sirène retournèrent, mécontentes, se cacher au fond des océans. Une rumeur circula bientôt dans les couloirs du palais. Le prince charmant allait épouser la princesse Marina, la fille du roi d'un royaume voisin. Si seulement je pouvais expliquer au prince que c'est moi qui lui ai sauvé la vie autrefois, sanglotait la petite sirène, qui n'avait décidément pas de chance. Je suis sûre qu'après cela, il m'aimerait pour toujours. Il faut croire que sa prière fut entendue, car au même moment, le prince apparut la mine attristée. C'est mon père le roi qui veut que j'épouse la princesse Marina. Personnellement, Je n'espère qu'une chose, qu'elle ne veuille pas de moi, car c'est toi l'élu de mon cœur. Mais le hasard fait parfois très mal les choses. La princesse Marina n'était autre que la jeune fille aux cheveux blonds que le prince avait vue le lendemain du naufrage. Je vous reconnais, c'est vous qui m'avez sauvé la vie, dit le jeune homme à la fille du roi. Je me dois donc de vous épouser. Le mariage fut arrangé pour le lendemain. Le prince demanda à la petite sirène d'être la demoiselle d'honneur de la mariée, dont elle aurait dû occuper la place. Décidément, jamais la petite sirène ne pourrait trouver le bonheur sur cette terre. Le soir des noces, le prince charmant et la princesse Marina s'embarquèrent en croisière, emmenant avec eux la petite sirène. L'infortunée resta sur le pont du navire pendant toute la journée, espérant qu'un miracle se produise et qu'elle échappe à cette triste vie. Or, le soir venu, ses sœurs apparurent près du navire. « Regarde, petite sœur, nous avons offert nos cheveux à la sorcière des mers. Tu vas pouvoir revenir chez nous. Voici un couteau. Plonge-le dans le cœur du prince avant l'aube et tu retrouveras ta queue de poisson. » dit sa sœur aînée, qui ajoute « Attention, n'oublie pas, tu dois agir avant l'aube, sinon tu mourras !» Les mains tremblantes, la petite sirène se saisit du couteau et s'introduisit subrepticement dans la cabine du prince. Le prince et la princesse Marina étaient profondément endormis et la petite sirène n'eut pas le courage de tuer son bien-aimé. Elle remonta sur le pont, lâcha le couteau et se jeta par-dessus bord. Pendant un court moment, la petite sirène eut l'impression de voler au-dessus des flots. Elle dirigea son regard vers le soleil et vit au firmament une multitude de créatures célestes qui semblaient l'attendre. Leur voix était douce et harmonieuse. Et bientôt, la petite sirène se mit à chanter comme elle. La petite sirène se sentit soudain aspirée vers le ciel, au-dessus des nuages, où tout n'était que paix et bonheur. « Où suis-je ? » demanda-t-elle d'une voix douce et radieuse. « Nous sommes les princesses du ciel, et désormais, tu es des nôtres. » répondirent en chœur des jeunes filles qui ressemblaient à des anges. « Viens avec nous, par ta bonté et tes bonnes actions, tu seras promise à une vie et à une grâce éternelle. » En regardant vers la terre, la petite sirène constata que le prince charmant et Marina la cherchaient désespérément. Une larme de tristesse coula sur sa joue, mais la petite sirène l'essuya, apaisée. Puis, elle s'élança dans le ciel, avec les anges. Sa mission était désormais de répandre l'amour et le bonheur sur la terre. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire du chevrier et la fille du roi.